Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, centre d'information Europe Direct de Colombey-les-Belles. Aujourd'hui, on revient sur le sommet européen qui a eu lieu en décembre et qui a débloqué un certain nombre de dossiers européens, notamment le plan de relance, le budget ainsi que le Brexit. Mais avant cela, je voudrais souhaiter à tous les auditeurs et toutes les auditrices de très bons vœux pour cette nouvelle année et surtout que la santé soit au rendez-vous dans ce contexte sanitaire incertain. Alors bonjour Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sommet européen ? Bien sûr Yves, alors ce sommet a eu lieu les 10 et 11 décembre et a réuni les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne. Cette tradition ou habitude du Conseil européen avait par ailleurs été instaurée par Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française. On le surnomme d'ailleurs l'architecte du Conseil européen. Les réunions ont en général lieu 4 fois par an et permettent de discuter les grandes orientations et priorités politiques de l'Union européenne. Quels étaient les sujets les plus importants qui ont donc été abordés lors du Conseil de décembre ? Alors les sujets principaux à l'ordre du jour étaient le plan de relance et la crise sanitaire, les relations extérieures et les engagements climatiques de l'Union européenne, la lutte antiterroriste ainsi que le Brexit, sans oublier le vote du budget européen pour 2021-2027. Le plan de relance est un sujet que l'on avait déjà abordé ensemble il y a quelques mois. Il a finalement pu être voté. Oui, enfin, c'est d'ailleurs une des conclusions positives du sommet. Le vote du budget et du plan de relance, qui a si longtemps été bloqué par les vetos hongrois et polonais, en raison du mécanisme de conditionnalité, a enfin eu lieu. Est-ce que tu pourrais brièvement revenir sur ce mécanisme de conditionnalité pour que ce soit plus clair pour nos auditeurs de quoi il est question ? Bien sûr, alors ce mécanisme avait été proposé pour conditionner l'acquisition des fonds européens au respect de l'état de droit, c'est-à-dire que tout pays qui ne respecterait pas ses engagements en termes de démocratie, de liberté fondamentale par exemple, se verrait privé de certains fonds. La Hongrie et la Pologne avaient mis leur veto et ainsi bloqué le plan de relance et le budget européen, mais la situation a finalement pu se débloquer grâce à un compromis. L'option de voter un plan de relance à 25 via un mécanisme de coopération renforcée n'a pas été privilégiée. Le Conseil a préféré un plan de relance à 27. Le sommet a donc permis de voter ce fameux plan, mais aussi le budget de l'Union européenne, aussi appelé cadre financier pluriannuel, pour la période 2021-2027, un budget qui se faisait attendre. Et est-ce que ce budget s'accompagne de grands changements ? Alors ça dépend évidemment des secteurs, hein, mais le budget s'aligne beaucoup sur les 6 priorités de l'Union européenne, et les budgets sont décidé en conséquence. Tu pourrais éventuellement nous rappeler ces 6 priorités. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose avec lesquels nous sommes tous familiers. Alors oui, bien sûr, hein, la Commission européenne s'est fixé un cap à tenir avec 6 grandes priorités ou ambitions que sont donc en premier lieu un pacte vert pour l'Europe qui représente le défi le plus urgent. Cela représentera la première législation européenne sur le climat avec des objectifs ambitieux d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 pour atteindre enfin la neutralité carbone d'ici à 2050. En deuxième temps, une Europe adaptée à l'ère du numérique avec une nouvelle stratégie en matière de données et un livre blanc sur l'intelligence artificielle, notamment en encadrant et en favorisant la sécurité des systèmes d'information. Ensuite, en troisième temps, on a une économie au service des personnes, c'est-à-dire plus sociale, avec notamment un socle européen des droits sociaux, couplé à une lutte contre le blanchiment des capitaux afin de garantir l'intégrité du système financier européen. La quatrième ambition, c'est une Europe plus forte sur la scène internationale, afin que l'Union puisse se positionner avec une voix commune sur des dossiers importants. Cela se matérialisera par exemple par une stratégie globale avec l'Afrique, ainsi qu'un partenariat plus approfondi avec les Balkans occidentaux. La cinquième ambition est la promotion du mode de vie européen, donc ce qui passe par une stratégie pharmaceutique commune, un espace européen de l'éducation par exemple, mais aussi une nouvelle stratégie de l'Union européenne sur la sécurité, avec le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Et la dernière et sixième priorité, c'est un nouvel élan pour une démocratie européenne, avec un plan d'action permettant d'améliorer la résilience des démocraties, couplé avec la conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit permettre de renforcer le lien et la participation entre les institutions européennes et les citoyens. Merci Nathalie pour ces explications qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. Il a été beaucoup question d'Erasmus+ ces derniers temps. Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs pour ce programme de mobilité ? Alors brièvement, hein, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce programme, donc c'est un programme de formation à l'étranger qui a été créé en 1987 et en 33 ans, il a bénéficié à 10 millions de personnes. L'objectif est aussi de contribuer à renforcer chez les jeunes générations le sentiment d'une identité européenne. Pour le programme, ce sont de très bonnes nouvelles en termes de financement. En effet, hein, le budget 2021-2027 atteindra 24 milliards d'euros, ce qui représente une hausse spectaculaire de 70%. C'est un message très fort et encourageant pour la jeunesse et la mobilité. Combien de personnes cela concerne-t-il ou qui le programme cible-t-il en particulier ? Alors, dans les objectifs indiqués, l'Europe entend viser 10 millions de bénéficiaires. Par ailleurs, elle tente d'élargir les publics et donc de viser en particulier les jeunes défavorisés. Pour cela, l'Europe investit dans l'Erasmus des apprentis, avec notamment la création de campus dédiés. En ce qui concerne le programme, certaines nouveautés sont-elles prévues avec cette hausse considérable du budget ? Alors oui, hein, l'Union entend développer de nouveaux formats plus courts et plus souples pour lever les freins au départ. L'accès sera par exemple facilité pour les petits établissements, les personnes en situation de handicap ou issues de milieux défavorisés. L'idée de Bruxelles est de promouvoir un Erasmus plus inclusif, plus accessible et plus équitable. Par ailleurs, il y avait aussi une autre raison justifiant un affichage médiatique d'Erasmus+ ces derniers temps. Il s'agit du Brexit. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Alors oui, hein, le Royaume-Uni a décidé de quitter le programme Erasmus+, jugeant qu'il était trop coûteux. Boris Johnson considère que ce programme est trop cher pour les Britanniques et ce dernier sera remplacé par un programme propre au Royaume-Uni. Ce nouveau programme portera le nom d'Alain Turing et permettra aux étudiants britanniques d'aller étudier dans les meilleures universités aussi bien en Europe qu'à l'international. A l'inverse, cependant, il sera plus compliqué et plus cher pour les étudiants européens de s'inscrire dans une université britannique. L'Union européenne est donc perdante sur ce dossier et Michel Barnier, le négociateur européen en charge de l'accord post-Brexit, a exprimé ses regrets que le Royaume-Uni abandonne Erasmus+. Nous marquons une pause dans votre émission Open Air. On écoute tout de suite Isia sous les pavés. Où est passé le vrai désir d'être vivant, les envolées sauvages. C'est trop facile de dire que c'était mieux avant. Sous les pavés, la plage, sous le sable, le ciment. Et plus les années passent, plus y'a tout qui part en couille. Où sont les derniers fous au milieu de la foule? Mais faut pas que je désespère, non. Il reste des choses à faire. Y'a tout qui reste à faire. Y'a tout qui reste à faire. Je m'attends. Radio Fagette pour l'émission Europe On Air, présentée par le Centre d'Information Europe Direct de Colombey-les-Belles. Aujourd'hui, on parle du sommet européen et du Brexit. Alors oui, on était resté sur le Royaume-Uni qui sortait du programme Erasmus+, mais peut-être qu'on devrait dézoomer pour comprendre l'accord post-Brexit qui a été trouvé. Oui, alors un accord post-Brexit a finalement été trouvé le jour de Noël, le 24 décembre dernier. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'était alors réjoui et félicité d'avoir trouvé un accord qui encadrera les futures relations commerciales du Royaume-Uni et de l'Union européenne. C'est un accord historique qui a été trouvé tout juste une semaine avant le divorce définitif qui a eu lieu le 1er janvier dernier. Peut-être que nous pourrions revenir sur les grandes étapes cruciales du Brexit depuis le référendum. Alors bien sûr, on va le rappeler, le référendum a eu lieu le 23 juin 2016 et donc les Britanniques avaient voté en faveur du Brexit. Peu de temps après, David Cameron avait annoncé sa démission, laissant alors place à Theresa May. Et en octobre 2016, Michel Barnier était nommé négociateur en chef des négociations avec le Royaume-Uni. Plus tard, le 29 mars 2017, le retrait du Royaume-Uni commence officiellement avec l'activation de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Plus de 2 mois après le déclenchement de l'article et 10 jours après la perte de la majorité par Theresa May aux élections législatives, débutent officiellement les négociations le 19 juin 2017. S'ouvre alors une période de plusieurs cycles de négociations où seront définies les grandes lignes du Brexit. Quand est-ce que la date de la fin de transition du 31 décembre 2020 a-t-elle été fixée ? Alors c'est le 29 janvier 2018 que les 27 États ont fixé une période de transition à 21 mois, s'étalant donc du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020. Le ping-pong parlementaire sur la loi de retrait du Royaume-Uni, dont on a beaucoup parlé, débute dans le courant de l'année 2018. Mais Theresa May se retrouve vite dans une impasse lorsque son ministre du Brexit, David Davis, ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, démissionnent en juillet 2018. Le 13 novembre 2018, après de nombreux refus et humiliations pour la première ministre, un accord de sortie est enfin trouvé. Mais après de longs mois de jeu de ping-pong entre la Chambre des communes et la première ministre et le Parlement européen, le Brexit est repoussé à de nombreuses reprises et marqué par des démissions au sein du cabinet de Theresa May, qui annonce sa démission le 24 mai 2019. Boris Johnson, alors, à la tête du gouvernement, suspend le Parlement, ce que la Cour suprême rejette. Le 9 janvier 2020, un an avant la sortie du Royaume-Uni, les députés britanniques valident définitivement le projet de loi sur le Brexit. Plusieurs cycles de négociations s'ensuivirent. En décembre, au moment du sommet européen, tout le monde se demandait si un accord était toujours envisageable. Oui, en effet, en décembre, et même après le sommet des 10 et 11 décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, avaient affirmé dans un communiqué commun qu'ils s'accordaient à un délai supplémentaire. Il a donc été décidé que les négociations seraient prolongées en vue d'un accord éventuel. Aucune échéance n'avait été fixée pour la fin des discussions, mais une date qui restait sûre était celle du 31 décembre, indépassable, car elle marque la fin de la transition. La possibilité d'un no deal n'était alors pas exclue, et les deux parties prenantes s'étaient préparées à cette éventualité. Le Premier ministre avait ainsi déclaré qu'un accord sans sortie était très très probable. La Commission européenne se tenait également prête à une telle issue. Mais maintenant, plus de soucis à se faire, un accord a été trouvé. Exactement, et nous nous réjouissons que ces années d'efforts et de négociations n'ont pas été vaines. Ce dossier clos en a néanmoins ouvert un autre, celui de l'Écosse indépendante et de son envie d'adhérer à l'Union européenne, maintenant que le Royaume-Uni n'y est plus. Affaire à suivre donc, en espérant que cette année 2021 nous réserve de belles surprises. Merci Nathalie. Merci Yves. C'était votre programme Europe On Air, présenté par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre d'Information Europe Direct de Colombey-les-Belles. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site www.fadjet.net.